L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Manège musiqué, douce odeur de barbe à papa, la foire d'automne s'installe à la pépinière pour 3 semaines de fête à partir du 23 octobre. Roy Huard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des forains. Vous êtes forain depuis combien de temps ? Depuis que je suis tout petit. Je suis né là-dedans et puis j'espère mourir là-dedans. Cette foire d'automne, elle représente quoi pour vous ? Celle-là, elle me tient à cœur. Parce que c'est vraiment une... Déjà, on est originaire de Nancy. Et c'est vraiment la fête des Nancéens. C'est vraiment la fête de la ville de Nancy. On est en plein cœur du parc de la Pépinière, qui est un endroit exceptionnel dans Nancy. Donc vraiment, c'est vraiment la foire. Elle nous fait ça entre le parallèle et puis la saison après de Noël. Tous les marchés de Noël, les sapins de Noël, vous voyez tout ça. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des nouveautés cette année à la foire d'automne, qui sera donc bien, vous l'avez dit, à la pépinière de Nancy ? Alors, cette année, on n'a pas une nouveauté, on en a 6. C'est la première fois, sur une petite foire comme ça, qu'il y a 6 nouveautés. Il y a le Shanghai Express, donc c'est un manège de type chenille. On a une tour de chute pour les enfants. On a le petit train du Far West. On a les waterballs, c'est des bulles sur l'eau. Les enfants peuvent marcher sur l'eau dans des bulles. On a une loterie comme il y avait avant avec des grosses peluches. Et on a un jeu de... Il faut jeter des palets magnétiques sur des tôles pour cacher le cadeau. Voilà, 6 nouveautés cette année. 6 nouveautés sur une petite foire comme ça, c'est énorme, c'est énorme. Comme la foire, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur. Bah maintenant, tout le monde veut venir. Et puis, la foire là, maintenant, au départ, c'était une foire un peu pour les forains du coin. Maintenant, c'est une foire qui a vraiment pris de l'ampleur. Donc, les gens veulent venir de toute la France pour venir faire la foire de la pépinière. Et l'ambiance de cette foire d'automne ? Ah, c'est une ambiance familiale, très bien. Je vois, c'est vraiment famille. Les gens de Nancy, des alentours, viennent se promener dans le parc. Ils ont un beau moment de détente en famille et puis ils peuvent faire quelques manèges. C'est vraiment une belle clientèle que nous avons. Une foire qui est ouverte 7 jours sur 7, c'est ça ? 7 jours sur 7, de 13h à 20h. Et à partir que c'est plus les vacances, 13h-19h. Et il y aura un temps fort le 31 octobre, bien sûr, la soirée d'Halloween. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette soirée-là ? Toujours pareil, les fantômes, les citrouilles, les sorcières, tout ça. Et le 1er novembre, le lendemain, il y a la parade des mascottes Disney qui serait là. Avant, on misait tout sur le 31, maintenant on fait les deux jours. Le 31, ça passe des sorcières, des citrouilles, de tout ça. Et le lendemain, on repart sur un truc normal, parade Disney, avec pas de patrouille, Stitch... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition ? Du beau temps. Après, on saura faire. Mais du beau temps, c'est le plus important. Merci beaucoup, Roy Huard. Rendez-vous à partir du 23 octobre à la Pépinière pour cette belle foire d'automne qui s'annonce. Merci beaucoup. Eh bien, merci. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.